Section 7. Des illuminations d'Arthur Rimbaud. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouan. Antique. Gracieux fils de Pan, autour de ton front couronné de fleurettes et de baies, tes yeux, des boules précieuses, remuent. Tachés de lis brunes, tes joues se creusent, tes crocs luisent. Ta poitrine ressemble à une cithare. Des tintements circulent dans tes bras blonds. Ton cœur bat dans ce ventre où dort le double sexe. Promène-toi la nuit en mouvant doucement cette cuisse, cette seconde cuisse et cette jambe de gauche. Fin de la section 7. Cet enregistrement fait partie du domaine public.